va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? C'est la foutue question qu'on se pose depuis longtemps. Mais il y a trop de versions et tellement de croyants. Moi je ne sais plus qui croire. Et c'est quand même dommage de partir au hasard. Si c'est le dernier voyage, alors une fois pour toutes, je voudrais qu'on me le dise. J'aime pas vivre dans le doute et j'aime pas les surprises. Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? Qui court, qu'on arrive dans les cieux. Il paraît que ça vaut le détour, que c'est le paradis de Dieu. Le séjour s'éternise et tout le monde est content. Les cieux ça dépayse, on n'y va pas souvent. C'est un joli discours, mais je vais pas m'exciter. Je me méfie toujours de la publicité. Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour de bon? J'ai tout mon temps, alors poussez pas derrière. Pardon, m'en voulez pas. Je sais qu'il y a des sujets plus cool. Je voudrais pas être rabat-joie et surtout pas vous foutre les boules. Moi, c'est pas que je sois flippé. J'y pense pas tous les soirs, mais on va tous y passer. Alors merde, on a le droit de savoir. Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour le bon? Mais où va-t-on quand on s'en va? Où va-t-on quand on s'en va pour le bon? Ce sera mon tour d'aller me faire voir ailleurs. J'espère que je ne vais pas partir à l'inconnu. Oh, j'espère bien que d'ici là, quelqu'un m'aura prévenu. Moi, si je pars le premier, je trouverai ça normal de tout vous raconter sur une carte postale. Mais où va-t-on s'en va?